Et avant toute autre chose, parlons un peu de la marquise. De tout mon cœur, madame. Dites-moi donc, de tout votre cœur, de quoi elle s'avise aujourd'hui? Qu'a-t-elle fait? Est-ce de la peine à croire qu'il y a quelque chose à redire à cette... Je vais vous faciliter le moyen de croire, moi. Et vous connaissez sa prudence. Vous êtes un opiniâtre louangeur. Eh bien, monsieur, cette femme que vous louez tant, jalouse de moi parce que le chevalier la quitte, comme si c'était ma faute, va, pour m'attaquer pourtant, chercher de petits détails qui ne sont pas en vérité dignes d'une incomparable telle que vous la faites. Et ne crois pas au-dessous d'elle de détourner un valet d'aimer une suivante. Parce qu'elle sait que nous voulons ce mariage et que je m'y intéresse. Elle imagine dans sa colère une marteau qu'elle jette à la traverse. Mais ce que j'admire le plus dans tout ceci, c'est de vous voir, vous-même, prêter les mains à un projet de cette espèce. Vous-même, monsieur. Et pensez-vous que la marquise ait cru vous offenser? Qu'il me soit venu dans l'esprit à moi que vous vous y intéressez encore? Non, comtesse. Arlequin se plaignait d'une infidélité que lui faisait Lisette. Il perdait, disait-il, sa fortune. On prend quelquefois part au chagrin de ces gens-là. Et la marquise, pour le dédommager, lui a, par bonté, proposé le mariage de Marton, qui est à elle. Il l'a accepté, l'en a remercié, voilà tout ce que c'est. La réponse me persuade. Je les crois sans malice, que sur ce point, la paix se fasse entre les puissances et que les subalternes se débattent. Laissez-nous, monsieur le chevalier. Vous donnerez votre sentiment quand on vous le demandera. Dorante. Dorante. Dorante. Qu'il ne soit plus question de cette intrigue-là, car elle me déplaît. Je me flatte que c'est assez vous dire. Attendez, appelons quelqu'un. Mon valet est peut-être là. Arlequin ! Quel est votre dessein ? La marquise n'est pas loin. La marquise ? Il n'y a qu'à la prier de votre part de venir ici, vous lui en parlerez. Et qu'ai-je besoin d'elle ? Est-il nécessaire que vous la consultiez là-dessus ? Qu'elle approuve ou non, c'est à vous à qui je parle, à vous à qui je dis que je veux qu'il n'en soit rien, que je le veux, Dorante. Sans m'embarrasser de ce qu'elle en pense. Et oui, mais madame, observez qu'il faut que je m'en embarrasse, moi. Je ne saurais en décider sans elle. Y aurait-il rien de plus malhonnête que d'obliger mon valet à refuser une grâce qu'elle lui fait et qu'il a acceptée? Je suis bien éloigné de ce procédé-là avec elle. Quoi, monsieur? Vous hésitez entre elle et moi? Songez-vous à ce que vous faites? Et c'est en y songeant que je m'arrête. Qu'a dit ce laissant ce trio de valets et de soubrettes? C'est à moi, sur ce pied-là, à vous prier d'excuser le temps dont je l'ai pris. Il ne convenait pas. Il m'honorera toujours. Et j'y obéirai avec plaisir. Si je pouvais. Nous n'avons plus rien à nous dire, je pense. Chevalier, donnez-moi votre main. Prenez. Et ne rendez pas, comtesse. J'étais pourtant venu pour savoir une chose. Voudriez-vous bien m'en instruire, madame? Ah, monsieur, je n'en sais rien. Vous savez celle-ci, madame. Vous destinez-vous bientôt au chevalier? Quand aurons-nous la joie de vous voir unis ensemble? Cette joie-là, vous l'aurez peut-être... ce soir, monsieur. Ah, doucement, divine comtesse. Je tombe en délire. Je perds haleine de ravissement. Parbleu, chevalier, j'en suis charmé. Je t'en félicite. Oh, l'indigne homme. Elle rougit. Est-ce là tout, monsieur? Oui, madame. Partons.